colère. Affirmatif. Contre qui? Dieu ou les hommes, je sais pas trop. J'essaie d'être un homme bon, trop bon, trop con, ouais. Il faudrait être dealer, voleur, peut-être même député, ça marcherait mieux. Je ne suis certainement pas du côté du diable. Je sais qu'il est là, mais je ne le sers pas. J'ai aussi du mal à décoder les messages du ciel. En attendant, je me crée mon propre mode d'emploi. Tout comme Jack à la lanterne, ma place n'est sans doute pas au paradis. Je n'irai pas non plus en enfer. Je ne travaille pas pour cette entreprise du mal. Alors comme Jack à la lanterne, seul, je porte ma citrouille pour éclairer mon chemin dans les ténèbres. Je suis Jack à la lanterne. Et pourquoi pas éclairer ceux qui sont perdus dans les ténèbres? Jack à la lanterne. Jack à la lanterne.